pour les gars frères. Les petits qui se mettent frappe, les petits mecs qui me guettent. Ah, depuis je veux que je mec ça. SIM, petit équipe au fini, mais espace. Musique unique, mauvais crème, basse, basse. Bouge pour voir, passe, t'es qu'il a pas, pas à pas dans. Autour d'une belle carte, ta pique qui saigne grave grâce au col à ta pute jet bar. Arrête, à balle, mon biscuit les choses. Quand t'as le vocal pose, quand là je m'arrête. Des valeurs et des petits choses. Check, check mon tempo. Tout le monde s'anime quand on sait faux. T'as vu les mecs, faut qu'on jump. Quand le vide bouge ton boule, que les mecs se battent, se mettent au boulot. Que les gosses chauffent la foule, que les gars mettent la cagoule, mais les maos. Quand ils s'en pètent bien dingue, ou la merde, wesh les gars. C'est depuis t'as une gangsta qui fait trop dégâts. Oh, geste, tu bouges tes tests, que tu voulais tester les bestes, t'encaisses pas trop le texte. Depuis que tu bouges, je veux voir tous les bonhommes qui t'es gros. Go, go, laisse-toi aller sur son lèvre, tes bras, on est trop. Prône, ambiance à vous, les coléros, gros, je te propose. T'es tout sur le son de mon équipe, mais si c'est quelque bête. Son dingue. On m'a cliqué c'est SIM, si tu kiffes on a crié SIS et le 7-8. Tu cherches une laisse dans le sur west. Sur ce son reste pas assis. Pas parce que j'ai mes crapauds. Je comprends pas ce qu'ils ébattent. Quand le score ils sont des méga la flow. Non stop, hop, constat, mat, nigga, wow. L'autre met à 4 pattes, nous date, ouais t'arrêtes, vous mec à haut.